Chapitre 12e. Iko Teruka, n'en voulant pas croire ses yeux, lâcha ses avirons et fouilla rapidement le sampan. Il l'eut vite fait et se convainquit de la vérité. Le maître sans nom n'était plus à bord. Comment avait-il fait pour s'enfuir, pour se laisser glisser à la mer sans que le grand détective s'en aperçût? C'est ce que le fugitif ne put comprendre. Mais le fait était là, le maître sans nom avait disparu. Iko Teruka fouilla l'eau noire du regard. Il ne vit rien que les îles rocheuses entre lesquelles le sampan se trouvait, et à 200 mètres en arrière, vers le nord, la jonque qui se rapprochait avec rapidité. Iko Teruka comprit qu'il était perdu. Avant 10 minutes au plus, il serait rejoint et fait prisonnier. Maintenant qu'il ne tenait plus le maître sans nom en son pouvoir, Eng et ses acolytes n'avaient plus de raison de le ménager. Il reprit les avirons et rama de toute son énergie. Mais la distance qui le séparait de la jonque continua à diminuer. Ce fut en vain que le grand détective épuisa ses dernières forces à ramer. La jonque se rapprocha encore et bientôt ne fut plus qu'à quelques mètres du sampan. Iko Teruka, se retournant, vit à l'avant Eng qui se tenait debout, une carabine au poing et entouré d'une troupe de Chinois. Des détonations retentirent. Les Célestes étaient bons tireurs. Iko Teruka ne fut pas atteint, mais le sampan, crevé par les balles au ras de l'eau, commença de s'emplir rapidement. Iko Teruka comprit que tout était fini. Il lâcha ses avirons et sauta la mer. Mais aussitôt, un petit sampan se détacha de la jonque et bogua vers lui. Le détective plongea et revint à la surface quelques mètres plus loin. Mais du sampan, on l'avait vu. Avant d'avoir seulement eu le temps de reprendre haleine, Iko Teruka fut saisi par les bras, par le cou, soulevé hors de l'eau, et jeté dans le sampan, où il fut immédiatement enserré dans un étroit réseau de cordelettes. Eng, sans mot dire, le regarda avec un ricanement cruel aux lèvres, tandis que le sampan rejoignait la jonque. Iko Teruka fut transporté à bord de cette dernière, qui, quelques minutes plus tard, eut rallié le rivage. Iko Teruka fut débarqué tout de suite et retransporté dans la grotte. On le jeta au pied du trône de la Crouge, et il put remarquer que le maître sans nom n'y était plus. Mais presque aussitôt, le mystérieux personnage arriva, suivi d'une troupe de jeunes Chinois qui agitaient des bâtons d'encens. Tout le monde se prosterna. Le maître sans nom, sans même regarder Iko Teruka, posa le pied sur lui et gagna son trône. Un gong résonna. Les Chinois prosternés se relevèrent. Le maître sans nom fit entendre un ordre bref. 4 gigantesques célestes, qui se tenaient sans doute dans une galerie voisine, arrivèrent, portant un billot de bois qui fut placé horizontalement sur le sol. Iko Teruka, étendu sur le dos, fut saisi par les pieds et traîné devant ce billot. Les Chinois lui soulevèrent les jambes, de façon que ses jarrets reposassent sur le billot et que ses pieds pendissent, la plante bien verticale. On lui lia les jambes au billot, de façon qu'il ne put bouger. Puis 2 Chinois le maintinrent par les épaules. Le gong retentit de nouveau. Un des Chinois brandit un long bambou et, de toutes ses forces, en frappa la plante des pieds du prisonnier. La douleur fut si forte que le grand détective eut besoin de toute son énergie pour retenir un cri. Mais il n'était pas au bout de son supplice. Le bambou s'abattit de nouveau sur ses pieds. Il s'y abattit 50 fois de suite. Iko Teruka n'en put supporter tant. Il s'évanouit. Quand il revint à lui, sa torture était finie. Il était étendu sur le sol, non loin des caissettes de piastres. Un jeune Chinois, accroupi près de lui, lui enduisait la plante des pieds d'un baume adoucissant. Le maître sans nom voulait réserver son prisonnier pour d'autres supplices. Iko Teruka vit que les bandits étaient occupés à placer les caissettes de piastres dans des caisses plus grandes, faites de planches épaisses, et sur lesquelles il lut à la lueur des torches. Compagnie de chemin de fer du Kwantung, pièce de machine, à manier avec précaution, kilomètre 137. Il comprit la vérité. Les Chinois, pour pouvoir plus facilement transporter leur butin, l'enfermaient dans des caisses qu'ils allaient déclarer contenir des pièces de machine. C'était bien trouvé. Mais Iko Teruka n'était pas au bout de ses étonnements, car ses pieds ayant été dûment enduits d'onguents, le jeune Chinois s'écarta. 2 autres célestes s'approchèrent du détective, le soulevèrent et le placèrent dans une caisse semblable aux autres, et où ils le calèrent à l'aide de coussins de fibres. le couvercle de la caisse fut aussitôt cloué. Ikuteruka se trouva dans les ténèbres, mais il put respirer à peu près normalement. Ses bourreaux avaient eu soin de percer de trous invisibles les parois de la caisse. Après un temps qui lui sembla interminablement long, Ikuteruka sentit soudain qu'on faisait basculer la caisse dans laquelle il était enfermé.